jouait avec ses barbilles. Comme le font les enfants, les contes de fées dans les livres, les beaux princes charmants, toutes ces histoires que l'on voudrait vivre quand on est devenu grand. Là-bas, dans les apparts.